délinquant dans la nuit. Je fais passer le temps, je m'ennuie. Sur YouTube, je regarde une série et je ferme les yeux dans mes rêves, je m'enfuis. Marseille, c'est chaud, c'est pire qu'Akali. Ça faut que tu crochettes à la Mohamed Ali. Pendant que ton pote en cellule a des caries, toi tu fais la mal à acheter des Ferrari. Faut que je prenne ma tragazeuse à l'armurerie. Avec tous ces bâtards, ça devient dur de rire. Le petit veut pollen, shark et Burberry. Si c'est tout, si critique, mais non, mort de rire. Passe mes journées, mes soirs, toute ma vie à rapper. Même mes potes en ont marre quand tes chaises canapées. Au secteur, y'a la bac et la bac, elle dort pas. Beaucoup de chiens, mais celui qui abonne ne mord pas, ne mord pas. J'entends des chhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Civil Coudrain, je suis plus là. Je traîne plus trop sur le terrain ou la nuit tard. Depuis que j'ai signé mon baraque, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Je fais des gros bisous aux jaloux, moi. Elle a vu le Audi, elle a fait moi. Je fais des gros bisous aux jaloux, moi. Elle a vu le Audi, elle a fait moi. Car encore au merda, pour les vrais libertas. J'dis ce que j'pense, me gêne pas. On se fait pas la bise, on s'aime pas. J'sors l'épée comme Zelda. Ça tue pour des 100K. J'suis resté le même en cas. J'te bouffe comme un encas. J'racontais ma vie, j'fais le pain. J'ai donné, j'ai fait le bon. J'ai mis des champs bien, bien. Et au final, j'fais le con. J'fais le point. Final, j'tire les points. J'fais faire crisser les pneus dans le rond-point. Poteau, j'reviens à tout à l'heure. En plein dans les bails, t'as les galères. C'est ça quand tu fais rentrer des palettes. Ils veulent être à ta place, mais ils peuvent pas l'être. J'mets l'argent dans la canette. Le poisson dans les tuyaux à lunettes. Faudrait que j'arrête la fumette. Et ne dans le fusil à lunettes. J'fais les gros bisous aux jaloux, moi. Elle a vu le Audi, elle a fait moi. J'fais des gros bisous aux jaloux, moi. Elle a vu le Audi, elle a fait moi. J'évite les comiques, ouais. J'arrive dans ta embrouille comme Sonic. Doute, doute, doute sur le dem-dem, c'est rare. Embrouille, le dem-dem si t'es là. Sirop de fraise et crêpe Nutella. Vu sur Marseille, chez moi de la terrasse. J'en ai marre de tous ces cancres là. En plus, ils se reproduisent comme le cancre là. Aujourd'hui, je me sens bien, j'ai mis le polo croco. J'ai relevé le col comme Cantona. J'suis venu des forêts. Mandabari et Chico. Au village sacré Ayo, ça fait de maillot. 3 sur le maillot, c'est l'omni, tu connais. Pour la team de l'Ondico, MRC.